L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les physiciens chinois ont dévoilé le 2 juin dernier qu'ils voulaient lancer un satellite pour la détection indirecte de la matière noire et du rayonnement cosmique. Et 7 mois plus tard, le satellite, nommé Dampe, est aujourd'hui sur son pas de tir et doit être lancé dans quelques heures. Dampe, Dark Matter Particle Explorer, est le tout premier télescope spatial chinois de ce genre. Il est conçu pour détecter des particules de très haute énergie, un peu à l'image de ce que fait le détecteur AMS-2 sur l'ISS. Mais Dampe sera plus spécialisé dans la détection des électrons et des rayons gamma avec une résolution en énergie inégalée. Le but premier est d'identifier des traces indirectes de matière noire via ses produits d'annihilation et de désintégration. Il pourra mesurer non seulement l'énergie des particules, mais aussi leur direction et leur charge électrique. Dampe pourra également mesurer le flux de noyaux d'atomes légers ultra énergétiques, fournissant des données précieuses sur l'origine et la propagation des rayons cosmiques les plus énergétiques. Dampe est constitué de plusieurs types de détecteurs de particules travaillant simultanément. Tout d'abord un détecteur scintillateur plastique, nommé PSD, servant comme détecteur par anti-coïncidence et détecteur de charge. Puis un détecteur de traces, le Silicon Tungsten Tracker Converter, STK, qui mesurera la direction des particules. Puis un calorimètre, BGO, accompagnera ces détecteurs pour mesurer l'énergie avec une très grande résolution grâce à son pouvoir d'arrêt inédit pour un détecteur en orbite. Et enfin, un détecteur de neutrons, un scintillateur dopé au bord, nommé NUD, est composé de 16 plaques de 1 cm d'épaisseur chacune, munies d'un photomultiplicateur. Permettra l'identification des particules incidentes par l'analyse des gerbes hadroniques produites. Avec tous ces instruments de pointe, Dampe détectera des électrons et des photons gamma sur une plage en énergie comprise entre 5 GeV et 10 TeV, avec une résolution en énergie de l'ordre de 1,5% à 100 GeV. Dampe détectera aussi des rayons cosmiques à des énergies encore plus élevées, entre 100 GeV et 100 TeV. Dampe n'est pas un satellite très gros, hein, avec une masse totale de 1900 kg, dont 1400 kg de charge utile. Il sera mis en orbite à 500 km d'altitude et devrait fonctionner durant 3 ans au minimum. La mission fait partie des 5 missions spatiales scientifiques du programme Strategic Pioneer Program on Space Science de l'Académie des sciences chinoises, et sélectionné en 2011. Les scientifiques chinois ne sont pas restés tout seuls pour développer ce télescope spatial si particulier. Ils ont formé une collaboration avec l'Université suisse de Genève, ainsi que les universités italiennes de Bari, Lecce et Perugia. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il ne reste qu'un peu moins de 7 heures avant le lancement depuis le centre de Yunquan, dans le désert de Gobi. Les chasseurs de matière noire peuvent se réjouir de pouvoir exploiter bientôt ce tout nouvel instrument qui pourra aussi faire des découvertes inattendues dans d'autres domaines des hautes énergies. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselao.fr ainsi que sur podcloud.fr et itunes.riendutout et d'ici à la prochaine, d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !